es tombé dans ses bras un soir. Tu avais passé ta soirée à fumer et à boire. Il était beau comme un mannequin et plus fort comme un turc. Peut-être était-ce un mannequin turc, je n'en sais rien. Le lendemain, tu m'as appelé, tu m'as tout raconté. J'ai beaucoup pleuré, je m'en souviens. Et j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Oui, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Oui, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. En plus, je crois qu'il n'était pas en état de te faire ce que tu voulais ce soir-là. Et puis tu le sais, personne ne le fera jamais aussi bien que moi, comme je t'aimais. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Oui, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Oui, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. Oui, j'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir. J'aimerais savoir à quoi t'as pensé ce soir.